Section 24. Chapitre 24. Le médecin ne s'était pas trompé dans son diagnostic. C'était bien une fièvre cérébrale. Pendant 3 semaines, la vie de Charlotte fut sérieusement en danger. Ce qui était particulièrement grave, c'était l'état de somnolence dans lequel elle restait engourdie. À peine de temps en temps entr'ouvrait-elle les yeux et prononçait-elle quelques mots. C'était là l'indice d'une très forte congestion sanguine au cerveau et la menace redoutable d'un épanchement dans l'intérieur du crâne. Contre cet assoupissement profond, les remèdes les plus énergiques avaient perdu toute efficacité. Saignée, application froide sur la tête, révulsif, bain d'affusion, rien n'agissait. Il semblait que le coup porté par la lettre de Georges eût brisé en elle la maîtresse pièce de la vie humaine. Le grand ressort s'était brusquement cassé et la vie ce jour-là s'était arrêtée. Depuis, elle était restée suspendue. Reprendrait-elle sa marche régulière ou bien, après les quelques mouvements fantasques qui de temps en temps l'agitaient, cesserait-elle tout à fait? Toutes les probabilités, par malheur, se réunissaient pour faire redouter ce dernier résultat que chaque jour écoulé rendait plus menaçant. Ordinairement calme et en toutes circonstances maître de ses émotions, M. de La Hérodière perdait la tête. Il avait fait venir à la crique 2 sœurs de charité qui gardaient Charlotte alternativement, l'une le jour et l'autre la nuit, mais s'il s'en remettait à elle pour les soins matériels à donner à sa fille, il ne s'en remettait à personne pour la veiller. Jour et nuit maintenant, il restait dans sa chambre et par la porte qu'il faisait laisser ouverte, il entendait tout ce qui se passait chez sa fille. Dans le silence de la nuit, lorsqu'on n'entendait plus que le bruit monotone de la mer qui brisait sur la grève, la sœur de service le voyait souvent arriver près d'elle, marchant à pas glissés. Il restait debout, absorbé dans sa douleur muette, regardant cette pauvre enfant étendue sur son lit, n'ayant plus de la vie que la respiration qui entr'ouvrait ses lèvres et soulevait le drap posé sur sa poitrine. Toujours cette prostration et cet accablement. Ne s'éveillerait-elle donc jamais ? Il eût presque voulu la voir souffrir et l'entendre se plaindre. Au moins, c'eût été un signe de vie. Sans se plaindre lui-même, il demeurait là et il fallait parfois que la sœur le priât de s'en aller pour qu'il songeât à quitter la place. « Couchez-vous, monsieur, dormez tranquille. S'il se présente le plus léger incident, je vous éveillerai. » Se coucher. Il ne s'était pas mis au lit depuis le départ de Georges. Il passait son temps devant son bureau, assis dans un fauteuil, écrivant sans cesse, car la lecture lui était devenue impossible. Il fallait qu'il fût entraîné dans un travail matériel pour rester maître de son esprit. Encore bien souvent posait-il sa plume et se laissait-il emporter par ses lugubres rêveries. Si la fatigue le prenait, il s'étendait sur un canapé et, roulé dans une couverture, il dormait quelques heures d'un sommeil lourd, tourmenté, plus pénible que la veille. Dans son angoisse, son seul soulagement était de s'entretenir 3 fois par jour avec Narbanton, qui, laissant son yacht à Port-Navalo, était venu s'établir à Sarzeau. Tous les matins, Narbanton arrivait à la crique et on allait prévenir M. de La Hérodière qui descendait aussitôt. Pendant 1/4 d'heure, 1/2 heure quelquefois, ils se promenaient dans le jardin en discutant les incidents de la nuit. À 11 heures, Narbanton revenait pour assister au déjeuner de M. de La Hérodière, puis à 7 heures pour son dîner. On ne rencontrait que lui sur le chemin qui de Sarzeau conduit à la crique, et les paysans commençaient à le connaître comme s'il avait été du pays. Quelquefois, on l'arrêtait pour lui demander des nouvelles de Mademoiselle de La Hérodière, ou même pour lui donner un bon conseil. Ce n'est pas pour dire du mal de M. Carfon, le médecin de Vannes, mais un cierge à Sainte-Anne vaut bien les remèdes. Et tout en marchant près de lui jusqu'à la clôture d'un champ ou jusqu'à l'entrée d'une maison, on lui racontait des guérisons miraculeuses obtenues là où M. Carfon et bien d'autres médecins avaient perdu leur latin. Il n'y a pas besoin d'en parler au père, pourvu que le cierge soit allumé à l'intention de la pauvre demoiselle, ça suffira. Par ses questions et par ses propos, il voyait l'intérêt qu'on portait à Charlotte, et il s'attardait volontiers dans ses conversations qui lui révélaient 1000 petits faits sur la générosité de son cœur, sur sa bonté, sur sa simplicité. Comment Georges n'avait-il pas aimé cette charmante fille qu'une longue intimité avait dû cependant lui faire connaître? Comment avait-il pu renoncer si facilement à ce mariage? Pour lui, après s'être scrupuleusement examiné pendant les longues heures de solitude que son séjour à Sarzeau lui créait, il était parfaitement décidé à faire tout ce qui serait humainement possible pour devenir son mari. Après son entretien avec M. de la Hérodière, il était revenu sur ce qui s'était dit entre eux, et il avait pesé chaque parole. Mais la réflexion n'avait modifié en rien l'engagement qu'il avait pris dans un moment d'exaltation. Sans doute cet entretien lui avait apporté de pénibles révélations, car après avoir entendu les explications pleines de franchise de M. de la Hérodière, il était bien difficile d'admettre que Charlotte n'aimait pas Georges. Mais cet amour devait-il l'éloigner de Charlotte ? Pour lui, toute la question était là. Assurément, s'il était arrivé à la crique après le départ de Georges, et si on lui avait montré Charlotte en lui disant « Vous voyez, cette jeune fille ravissante, elle se meurt d'amour pour un cousin qui vient de l'abandonner », il serait généreux de se faire aimer d'elle et de la guérir de sa passion. Assurément, dans ces conditions, il eût renoncé à cette lutte, et si ravissante que Charlotte eût pu lui paraître, il n'eût certes pas songé à l'aimer. Mais ce n'était point ainsi que les choses s'étaient arrangées. Arrivé à la crique, il s'était insensiblement laissé prendre par la grâce de Charlotte, et sans avoir bien conscience de ce qui se passait en lui, il s'était mis à l'aimer. C'était seulement quand cet amour avait jeté dans son cœur de fortes racines qu'il en avait reconnu l'existence en même temps que la puissance. Déjà il était trop tard pour se retirer, et bien qu'il sentît toutes les difficultés, tous les dangers, toutes les souffrances de la situation qui lui était faite pour son amour, il était resté. Il aimait une jeune fille qui allait devenir la femme de son ami. Tout espoir d'être aimé lui était interdit. Eh bien, il ne serait pas aimé, et il adorerait Charlotte de loin, sans qu'elle connût jamais les sentiments qu'elle avait inspirés. Cet amour silencieux, respectueux, n'avait rien qui déplût à sa nature et à son caractère. Et puis, lorsqu'on aime sincèrement, ce n'est pas à soi-même qu'on pense, mais à celle qu'on aime. Et dans la passion qu'on éprouve, il y a assez de joie pour accepter tous les sacrifices. Au moins c'était ainsi qu'il pensait et qu'il sentait. Sur ces entrefaites était survenue la rupture de Georges et la porte de l'espérance, qui jusqu'à ce jour avait été hermétiquement fermée devant lui, s'était par ce fait seule entrouverte. L'obstacle qui lui barrait le chemin dans des conditions telles qu'il ne pouvait même pas essayer de l'écarter avait disparu. Maintenant, la lutte était possible, ou tout au moins elle lui était permise. Ce n'était plus que d'un souvenir qu'il avait à triompher. Était-ce le moment pour lui de se retirer ? Il n'y avait pas d'illusion à se faire. Il fallait bien reconnaître que ce souvenir paraissait bien puissant. Mais était-il tel qu'on dût renoncer à toute espérance ? Il ne l'avait pas pensé. Parce qu'un amour plus ou moins vif a traversé la vie d'une femme, il ne s'ensuit pas fatalement que cette femme ne peut plus aimer, ni surtout qu'elle n'est plus digne d'être aimée. Il avait aimé Charlotte avant le départ de Georges. Il l'aimait après, involontairement et sans espérance, quand Georges était là, volontairement et avec espérance, depuis qu'il était parti. Cette espérance, cependant, était bien faible, car il fallait que Charlotte oubliât, il fallait avant tout qu'elle guérît. Oublierait-elle ? Guérirait-elle ? Oublier, c'était à lui qu'il appartenait d'obtenir ce résultat, et avec la superbe confiance d'un amour profond, il n'en désespérait point. Mais guérir, il ne pouvait rien, hélas, sur la maladie, et chaque jour cette question se posait, pleine d'incertitude et d'angoisse. Au commencement de la quatrième semaine, cependant, un peu de mieux se prononça, et le médecin, qui jusqu'alors avait été d'une réserve inquiétante, se montra plus expansif. Il parla du lendemain et des jours suivants. Peu à peu, la somnolence se dissipa et les fonctions se rétablirent. On entra dans la période de la convalescence. « Mon bon docteur, disait M. de la Hérodière, dépêchez-vous, ne faites pas d'imprudence, mais tâchez qu'elle puisse se lever pour le 4 novembre. »« Pourquoi le 4 novembre ? » ?»« Parce que c'est sa fête. Je serai si heureux qu'elle ne passe à ce jour-là tout entier dans son lit. Sa fête, c'est ma fête. » On commença à la lever le 1er novembre, et elle put rester une heure dans un fauteuil à regarder la mer. Elle était si faible et si pâle que M. de la Hérodière ne put retenir ses larmes et qu'il dut se sauver dans sa chambre pour les cacher. Le 2, elle resta levée un peu plus longtemps encore, et le médecin déclara que le lendemain, on pourrait lui souhaiter sa fête. Il faudrait éviter de la fatiguer, mais une émotion douce pouvait lui être salutaire. Peut-être cette secousse la tirerait-elle de l'engourdissement dans lequel elle continuait à rester plongée. Car, bien qu'elle commençât à reprendre physiquement quelque force, moralement, il ne se produisait pas en elle d'amélioration très sensible. Ainsi, elle ne manifestait aucun de ces désirs qui se rencontrent fréquemment chez les convalescents. Si on lui proposait de la lever, elle ne refusait pas, mais elle ne montrait aucune satisfaction à quitter son lit. Si on lui demandait ce qu'elle voulait manger, elle répondait que cela lui était indifférent parce qu'elle n'avait pas faim. Elle ne parlait que lorsqu'on l'interrogeait. Son regard lui-même, autrefois si vif et si expressif, était éteint. Parfois seulement une petite flamme l'éclairait lorsqu'elle voulait sourire à son père. Encore bien souvent, ce sourire s'arrêtait-il avant d'avoir entrouvert ses lèvres pâlies. Fin de la section 24.